radical. Diego à la prod. Dans la fiche qui fait un tas de choses, tas de choses. Qui m'ont jamais kiffé en retourne. Qui m'ont jamais kiffé en retourne. J'kiffe le rap, mais lui qui fait retourner mon ins. Puis j'kiffe mon roi, j'puis lui kiffe faire en sorte que j'dérape. J'kiffe ma vie, mais elle kiffe l'ennui et que l'heure tourne. J'kiffe un tas de choses qui m'ont jamais kiffé en retour. J'kiffe ma street, mais elle kiffe me mettre des flics sur le dos, des contrôles abusifs et la violence devient un tic. J'kiffe l'école, mais seulement très peu d'instits parce que kiffe coller aux autres, des régimes doux et moins un street. J'kiffe les go, mais trop d'entre elles kiffent les strip man. Kiffe non-stop la beat et s'étonne que je les cheap mal. J'kiffe la France et son goût pour les stéréotypes. J'kiffe l'amour mais lui kiffe toujours que ça finisse mal. J'kiffe mes potes et eux kiffent changer avec le temps. J'kiffe parler de l'époque et elle toi qui fait que je la regrette autant. Parce que la chance m'a kiffé mais pas longtemps. Au fond c'est qu'on se ressemble si tu kiffes ce que t'entends. J'kiffe tous mes potes, j'kiffe rester frais. J'kiffe tous mes blocs, j'kiffe rester prêt. J'kiffe mon époque mais la vie kiffe me faire regretter. Mais la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe la France, j'kiffe le galsen. J'kiffe le rap, j'kiffe les scènes et j'kiffe les galsen. Mais la vie kiffe me faire regretter. Mais la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe le bise, mais lui kiffe faire monter la dette. J'kiffe la tease, mais elle kiffe me monter la tête. Alors j'quitte tout ce qui touche à la drogue. Maintenant j'kick le micro et j'me booste à la prod. J'kiffe observer les gens comme sur une aile. Mais eux kiffent me montrer la cruauté de la nature humaine. Ils kiffent rapper, kiffent le trafic, kiffent graffer, kiffent le X. Mais préfèrent la pratique. Alors ils kiffent violer des mômes, kiffent le carjacking, kiffent braquer, kiffent dans les stades, siffler chaque hymne. J'kiffe le foot, mais lui doit kiffer les skinheads. C'est leur faute si le PSG est devenu ce qu'il est. Hey, les gens kiffent le choc, on leur en donne les infos. Kiffent les clichés, car ça les rend bonnes. J'kiffe cette télé qui kiffe le mensonge des télé-réalités, tandis qu'on crève à l'autre bout du monde. J'kiffe tous mes potes, j'kiffe rester frais. J'kiffe tous mes blocs, j'kiffe rester prêt. J'kiffe mon époque, mais la vie kiffe me faire regretter. Mais la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe la France, j'kiffe le galsen. J'kiffe le rap, j'kiffe les scènes et j'kiffe les galsen. Mais la vie kiffe me faire regretter. Mais la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe le son mais l'industrie kiffe la censure. J'kiffe l'illégal mais lui kiffe que j'suis en sueur. Étant noir tout est bon tant qu'on s'en sort. J'kiffe le social mais lui kiffe bloquer l'ascenseur. J'kiffe la justice, elle kiffe être absente. J'kiffe les armes mais en vrai j'préfère qu'on s'attaque sans. Car les embrouilles kiffent trop les balles perdues. Et c'est parce qu'on change pas de méthode que mal perdu. J'kiffe l'histoire mais elle kiffe les génocides. Et là ça gêne car une Mamadou franc comme ça génocide. Et quand je vois comment l'homme se déculpabilise en disant que c'est la faute à personne, j'hallucine. Au fond on kiffe nos soucis parce qu'indissociable. Égocentrique, on s'enferme et on se dissociable. Je crois qu'on kiffe se mentir à nous-mêmes. On fait la guerre pour la belle, monde à l'envers, voilà où ça nous mène. J'kiffe tous mes potes, j'kiffe rester frais. J'kiffe tous mes blocs, j'kiffe rester prêt. J'kiffe mon époque, mais la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe la vie kiffe me faire regretter. J'kiffe la France, j'kiffe le galsen. J'kiffe le rap, j'kiffe les scènes et j'kiffe les galsen. Mais la vie qui me fait regretter. Mais la vie qui me fait regretter. J'kiffe la morale, j'kiffe être sincère. J'kiffe passer des messages, j'kiffe le fait de bien faire. Mais la vie qui me fait regretter. Mais la vie qui me fait regretter. J'kiffe les boîtes, elles te montent à la tectonique. Les négros sont passés du hip hop à la tectonique. Mais la vie qui me fait regretter. Mais la vie qui me fait regretter.